I'll leave a drop of faith, and I keep up my breath. C'est pas la fuite, c'est la suite. Facile, on l'a même trop entendu, mais accord, pas n'importe. Arrête de faire violence à nous-mêmes. D'arrêter de faire violence à nous-mêmes. Retourner l'agressivité. We'll be right back. Patience, continuer de maîtriser notre propre utilité. Maîtriser notre propre utilité. Faut que ça cesse, faut que ça cesse. Ninjam transforme en cesse les obsessions transformées en nouvelle ère, nouvelle donne, transformer la souffrance en beauté. spectacle total, absolu. Le spectacle est tout le temps, dans chaque rue. Le spectacle est total. Comme on l'avait prédit dans la société du spectacle. Envie de se flinguer. Mais show must go on. Show must go on. Demain, demain sera toujours demain. Demain sera la terre promise. Demain sera là, le paradis. Demain. Demain, demain. Demain sera la terre promise. Sera là, le paradis. Demain, demain, demain. Là, tu verras. Allez. Non, je déconne, je déconne. Comme ça, si facilement. On connaît peu depuis le temps. Convaincu. devant l'évidence de la catastrophe, de la lie de la fange. On s'en marre devant l'évidence de la catastrophe. Ce qui s'indique, ce qui planige, qu'est-ce qu'on est s'organise. On est con. Moindre frais, c'est pas qu'on soit tactique, qu'on s'en contente, qu'on craint, qu'il soit content pourtant, que tu as, que tu t'en contentes, s'en content, qu'est-ce que tu comptes quand même, s'en contre aller, intuitif, content, content. Cheveux longs, inconstant, la constante, lentement, l'air nouvel air. Les vérins sont fatigués inconsciemment. Je fais partie de l'armée des démons. La démons. Masse a du mal à être soulevée et hantée. Mais rien que t'es compté. Je fais partie de l'armée. Science quand même, tu le sais, tu le sens. Pourtant, conscient. Tu le sais, tu le sens quand même. Tu t'entends, tu t'entends, tu t'en contentes. Tant de temps, tu as de la tête. C'est la volonté. La grande folie. La grande folie. Et pourtant, le temps est compté. Encore et encore. Comment la vie n'a pas de vie. Il faut pas danser encore. Danser encore. Moi je veux danser encore. Danser au corps, danser au corps, côte à corps, côte à côte, donc face à face. La vie n'a pas de prix. Arriverons-nous à ce nouveau paradigme? Yeah. Flanders Solis. Solis. Bah c'était cool, pourquoi ils s'arrêtent tous les gens? Ils s'en vont. Phone's output volume 18. Comme une étoile tendue dans le ciel, un espoir, ah, une utopie. C'est pas la dystopie. Comme un pied dans le ciel. On espérait mieux que quelques étincelles, les feux d'artifice des JO ne suffiront pas. Géopolitique des câbles, et moi, des câbles et moi, des branches et moi, je veux plus faire partie de ce rêve. Câblez-moi, s'il vous plaît. Des câbles et moi. Géopolitique, des câbles. Tous les hubs, notamment Marseille, Danemark. Hein. Décablez-moi, décablez-moi d'une géopolitique. Décablez-moi, débranchez-moi, s'il vous plaît. Décalez-moi. Géopolitique branché, bien branché, connecté. M'oblige, s'il vous plaît, à... Je vous aime, câble, je vous aime. S'il vous plaît. Ouais, bon, moi je vais m'arrêter là, sinon je vais encore faire une crise d'angoisse cette nuit. Je te dis, si jamais je te retrouve demain. Je vous aime. Mais a priori, si jamais je viens, c'est tout seul parce que Philippe il veut aller tenir la main à Julien dans la montagne. Ouais, okay. Avec sa meuf. Je vous aime. Donc, voilà quoi. Ouais. Allez, une petite dernière. Allez, juste une dernière. 17, Neo Soul. Ouais. 16, Funk. Allez. We are. Div Kish. Câble et moi. histoire de voir si l'herbe est plus verte à côté. Comme un besoin. Capable de faire semblant, des câbles, et moi, des milliers de câbles, des millions de câbles, des millions de câbles. Les oiseaux, les cascades. D'un pays où les hommes sont bons, où les hommes. Montagne, camarade, qui vient d'un pays où les hommes sont beaux. Qui vient d'un pays où les hommes sont beaux, où les hommes sont beaux. Donne-moi, donne-moi, donne-moi.

Ah ouais, c'était ça. C'était ça, cette sorte de Camille, là. Pa-ya-ba-di-da-da. Quoi ? Tout dit. Trop bien. Bon, moi, il faut que je me débranche, donc je me décable. Et je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas si c'est demain, mais je te tiens au jus. Pareil, je te demande de venir me chercher à la gare. On fait ça. Papaya. À demain, avec love. Ok. Plaisir. Pila, pila, papa. Tu pues du cul, mais je t'aime. Beach. 12 bird. 11 oak. 3 distortion rock.